La science CQFD, Natacha Triou. C'est l'un des phénomènes les plus importants pour le vivant et qui a façonné la Terre, la photosynthèse. Mais connaissons-nous bien ses origines ? La photosynthèse est due aux cyanobactéries, parmi les plus anciens organismes terrestres. Une récente étude parue dans Nature vient d'identifier un fossile de cyanobactéries vieux de 1,75 milliard d'années. Une découverte qui nous permet de mieux retracer l'histoire de la photosynthèse et de peut-être comprendre un mystère. Que s'est-il passé il y a 2,4 milliards d'années? Quant à cette période, le taux d'oxygène a drastiquement augmenté sur notre planète. Origine de la photosynthèse, le baptême de l'air. Emmanuelle Javot, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, docteur en géologie, directrice du service Early Life à l'unité de recherche astrobiologie de l'Université de Liège et l'autrice de l'étude parue dans la revue Nature. Éric Maréchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire de physiologie cellulaire et végétale. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous à toute heure, en podcast sur l'appli Radio France ou en direct derrière votre poste. Vous pouvez aussi écouter cette émission tout en nous suivant sur X, ex-Twitter, avec notre fil @sciencecqfd, on vous poste plein de ressources complémentaires. C'est un live tweet qui commence tout de suite. Alors pourquoi mieux comprendre la photosynthèse et son origine? Quelle importance a-t-elle dans le fonctionnement de la vie sur Terre? Comment l'étude de ce phénomène peut-il nous aider à trouver de la vie sur d'autres planètes? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, la photosynthèse reste une réaction largement méconnue. C'est notre archive du jour, nous sommes en 1956. Tous les besoins d'énergie des êtres vivants, à part de très rares exceptions, sont couverts grâce à la photosynthèse qui transforme, par la chlorophylle des plantes, l'énergie du soleil en énergie chimique. Ce mécanisme de la photosynthèse est un problème fondamental qui est loin d'être complètement éclairci. De très grands progrès ont été réalisés dans ces dernières années grâce à l'emploi des isotopes par des biochimistes américains. Mais le problème essentiel n'est pas encore résolu. L'essentiel du phénomène de photosynthèse est la décomposition de l'eau par la lumière. C'est de l'eau que vient l'oxygène dégagé par les plantes. Or, cette décomposition exige une énergie considérable. Il suffit de penser au chauffage avec un chalumeau oxydrique pour le comprendre, puisque la séparation de l'hydrogène et de l'oxygène de l'eau exige autant d'énergie qu'en fournit leur combinaison. C'est ce mécanisme élémentaire dont je m'étais occupé au début de ma carrière. J'avais précisément montré que, contrairement à ce que l'on croyait à cette époque, malheureusement lointaine, la lumière n'agissait pas directement sur le gaz carbonique et que c'est l'hydrogène produit par la décomposition de l'eau qui produit la réduction de ce gaz et permet la synthèse ultérieure des sucres. Voilà la voix du professeur René Wurmser, professeur à la Faculté des sciences en 1956. Éric Maréchal, on entendait dans cette archive « La photosynthèse est un phénomène loin d'être éclairci ». Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors déjà, c'est une très belle archive hein, et en effet, ça situe la question avec une certaine modernité parce qu'encore aujourd'hui, il existe des zones d'ombre dans le fonctionnement à l'échelle moléculaire de la photosynthèse. Et en effet, quand on parle de photosynthèse, on pense tout de suite à la capture du CO2, ce qui est exact. Mais l'énergie du soleil n'est pas utilisée tout de suite. Elle est d'abord et massivement utilisée pour casser l'eau et piquer des hydrogènes et des électrons à l'eau pour ensuite apporter de l'énergie à la cellule et greffer ces hydrogènes sur le CO2 et en faire de la matière. Donc on part du CO2 gazeux et ensuite on arrive de façon simplifiée à des sucres. Donc c'est surtout ça qu'on garde en tête. Mais la photosynthèse, finalement, au départ, l'énergie du soleil, elle était pour casser l'eau. Et ça, c'était pas forcément évident au départ. Emmanuel, j'avoue, une réaction, vous aussi, à l'archive qu'on vient d'entendre. Oui, mais moi, je voudrais préciser d'abord qu'il existe des photosynthèses. Donc, la photosynthèse, c'est la façon d'utiliser l'énergie du soleil, ici, de notre étoile, qui était développée par certaines bactéries. Et parmi celles-là, il y a une photosynthèse qui casse l'eau et qui rejette de l'oxygène. Et c'est la photosynthèse qu'on dit oxygénique, parce que le produit de l'oxygène et qui est faite par qui a été inventée par les cyanobactéries, une sorte de bactérie. Donc quand on dit la photosynthèse, ça comprend beaucoup de mécanismes différents. Oui, c'est ça, Emmanuel Javot, c'est qu'il y a la photosynthèse oxygénique et la photosynthèse non oxygénique. Quelle différence entre les deux ? Mais donc, la photosynthèse oxygénique, comme son nom l'indique, elle produit de l'oxygène. C'est un déchet qui va s'accumuler et qui va changer complètement notre planète et l'évolution de la biosphère. Et la photosynthèse qu'on dit anoxygénique, qui ne produit pas d'oxygène, elle va utiliser autre chose que de l'eau comme source d'électrons pour faire ce que votre autre invité vient d'expliquer, pour produire de l'énergie, du sucre pour la cellule et voilà. Justement, Éric Maréchal, on peut peut-être un peu rentrer plus précisément dans le détail sur les mécanismes de la photosynthèse. Comment les plantes vertes s'y prennent-elles pour produire de l'oxygène ? Alors, la production d'oxygène, donc c'est un déchet. Donc déjà, c'est un hasard des événements qui se sont déroulés au cours de l'évolution du vivant et qui s'est maintenu parce que c'était extrêmement puissant et que ça a eu le succès qu'on connaît aujourd'hui. Finalement, c'est de casser l'eau qui libère de l'oxygène. Et puis, c'est le succès écologique qui s'est amplifié. Et entre autres par les systèmes cellulaires qui ont été décrits dans cette étude récente, qui est de toujours optimiser, toujours augmenter cette faculté à utiliser l'énergie lumineuse. Au départ, ce n'était pas évident, puisque l'environnement n'était pas forcément favorable à tout ça. En effet, il y avait plusieurs photosynthèses, il y avait aussi d'autres sources d'énergie possibles. Et puis celle-ci, elle a rencontré un succès parce que son efficacité lui a permis aussi de s'échapper aux organismes qui le faisaient, de s'échapper de leur environnement pour pouvoir conquérir d'autres milieux. Emmanuel Javot, pour continuer justement sur les mécanismes de la photosynthèse, au départ, sur les processus moléculaires qui sont en jeu, au départ, ça commence par de la captation de photons. Oui. Comme on disait, donc la photosynthèse consiste à utiliser la lumière du soleil comme source d'énergie, et ce qui va déclencher toute une série de réactions dans les cellules, que ce soit une photosynthèse qui produit l'oxygène ou pas. Mais ici, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la photosynthèse oxygénique qui va résulter en l'accumulation de ce déchet, l'oxygène moléculaire, le O2, hein, pas l'élément O qui est partout dans l'univers, mais le O2. Et qui va vraiment avoir un impact important. Je voulais ajouter aussi au niveau des plantes et des algues, en fait, elles peuvent faire aussi cette photosynthèse oxygénique grâce aux cyanobactéries de nouveau. Parce que les cyanobactéries sont les ancêtres d'un petit compartiment qu'on trouve dans les algues et les plantes où se joue la photosynthèse qu'on appelle le chloroplaste. Donc au cours de l'évolution, on a une cellule avec un noyau, hein, qu'on appelle un eucaryote, qui a avalé une cyanobactérie sans la digérer. La cyanobactérie est devenue ce petit compartiment, cette mini-machine à photosynthèse qui produit de l'oxygène. Et donc, c'est finalement grâce aux cyanobactéries que les algues sont apparues et puis plus tard, les plantes. Voilà, ces cyanobactéries qui sont microscopiques, mais elles sont fondamentales, Éric Maréchal, sont donc les premières à avoir développé cette capacité de faire de la photosynthèse oxygénique. Alors, sont-elles les premières ? Ça, on n'était pas là pour le voir. Ce sont celles qui ont persisté. Donc aujourd'hui, on retrouve les cyanobactéries dans de nombreux écosystèmes, véritablement sur tout l'espace terrestre et aéroterrestre. Et il y a peut-être eu des innovations, d'autres innovations qui n'ont pas perduré. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il y a eu l'oxygénation de l'atmosphère et qu'il y a donc un avant et un après. Dans l'avant, il y a eu plusieurs modes de vivants qui sont apparus sur la planète avec les conditions qui existaient à cette époque. Et puis est arrivé l'oxygène. Et l'oxygène, ben on le sait, ça rouille le fer. Enfin, c'est un le dioxygène, c'est une molécule qui est agressive. Et donc tout le vivant qui a passé cette barrière a ensuite développé tout un tas de stratégies pour résister à un environnement oxydant. Donc aujourd'hui, les cyanobactéries sont visiblement celles qui ont en effet réussi cette prouesse absolument incroyable de réaliser la photosynthèse, de capturer grâce à ça le CO2 qui était sous forme d'un gaz et d'en faire de la matière pour sa propre construction. Mais aussi, ça a été le démarrage pour toute une biodiversité extrêmement florissante qui a profité de cette matière, cette biomasse, pour pouvoir donc tous les herbivores et puis les chaînes alimentaires qui vont derrière. Et comme le dit Emmanuel Javot, aussi le chloroplaste qui provient des cyanobactéries. Il y a toute une série comme ça d'événements qui se sont produits, qui ont été des transformations irréversibles pour le vivant. Et aujourd'hui, on a une photographie de ceux qui ont traversé tout ça. Emmanuel Javot. Oui. Quand on parle de la vie avant en fait l'oxygène, avant l'O2, il faut imaginer la Terre. La Terre a 4,568 milliards d'années et à partir de 4,3 milliards d'années, elle refroidit suffisamment pour devenir habitable. Donc on a de l'eau liquide en contact avec des minéraux, de la roche, il y a une atmosphère, mais il n'y a pas d'oxygène moléculaire dans cette atmosphère. Alors la Terre n'est pas encore couverte de continents comme ceux qu'on connaît actuellement. On a surtout de la croûte océanique, de l'eau, et un peu quelques îles volcaniques qui vont sortir de l'eau. Et là, va se dérouler une chimie qu'on dit prébiotique, une espèce de chimie qui peut se passer dans une marmite d'eau chaude sur des petites îles volcaniques, des sources d'eau chaude, ou dans le fond de l'océan. Bon, il y a différentes opinions à ce sujet. Et donc là, on va avoir toute une chimie qui se forme et qui va former des molécules plus complexes. Une chimie qui va aussi se passer dans l'atmosphère, dans ces espèces de marmites naturelles, pour finalement donner des premières cellules, toutes sortes de lignées cellulaires différentes. Certaines vont, beaucoup vont disparaître. Une lignée va donner l'ancêtre commun de toutes les formes de vie qu'on connaît, qu'on appelle LUCA. Et de LUCA vont naître différents domaines de la vie, dont des bactéries. Alors parmi ces bactéries, certaines vont inventer cette photosynthèse qui utilise la lumière du soleil comme source d'énergie. Et on en a des traces, donc les plus vieilles non controversées datent de 3,4 milliards d'années. Il s'agit de petits stromatolites, donc ce sont des roches calcaires laminées qui sont produites par des communautés microbiennes, dont des bactéries photosynthétiques. On voit que ça pousse vers la lumière. Alors là, on ne parle pas encore de cyanobactéries. Il faut attendre donc le GOE, donc le grand événement d'oxygénation, il y a 2,4 milliards d'années. Ça, c'est le moment où on a une oxygénation, mais à l'échelle de la planète. Mais on parle de 1 à 5% de la quantité d'oxygène dans l'atmosphère. Alors avant ça, les gens qui étudient la chimie des roches pensent qu'il y a déjà eu des petits pics d'oxygénation vers 3 milliards d'années, mais ça n'a pas duré. Tandis qu'à partir de 2,4, on commence à avoir une oxygénation qui est permanente. Et la grande question, c'est qui a fait ça? Est-ce que ce sont des protocyanobactéries ou d'autres? Et on va en parler parce que c'est une hypothèse proposée pour l'autre invité. Emmanuel Javot, on va revenir justement sur cette, dans quelques instants, sur cette grande question à propos de la grande oxygénation. Avant ça, pour justement pouvoir parler de cette étape clé de 2,4 milliards d'années, Éric Maréchal, on ne sait pas depuis quand les cyanobactéries sont sur Terre, mais il y a deux groupes de cyanobactéries, celles avec thylakoïdes et celles sans. Alors quel est le rôle des thylakoïdes justement chez ces organismes? Alors, dans les deux cas, les cyanobactéries réalisent la photosynthèse. Donc, elles capturent l'énergie lumineuse. Donc, pour ça, elles ont complexes protéiques qui sont des capteurs solaires, des capteurs de longueur d'onde qui viennent du soleil. Et puis, ces capteurs, ensuite, il y a toute une machinerie moléculaire qui permet d'utiliser cette énergie pour casser l'eau. Et puis après, tout un tas de processus qui vont enchaîner jusqu'à réussir à greffer des hydrogènes sur le CO2 et en faire du sucre. Bien. Les cyanobactéries ont visiblement dans leur machinerie partagée entre elles cette faculté. Les plus anciennes, les plus ancestrales, celles que pour lesquelles nous on voit à l'échelle moléculaire qu'elles ont les caractères les plus archaïques, les plus anciennes portent cette machinerie sur leur membrane limitante. Donc une cellule vivante, c'est d'abord une membrane. On a entendu parler juste à l'instant de ces marmites dans laquelle il y a une chimie très particulière qui a cette faculté de se copier elle-même et de se générer comme ça. Et puis il y a un moment où les cellules se ferment avec ce qu'on appelle une membrane. Alors une membrane, c'est une surface. Quand on prend une sphère, c'est la plus petite surface possible pour un contenant. Et c'est là-dessus que se trouvent les capteurs photosynthétiques dans un premier groupe de cyanobactéries. Et puis, il y a l'invention des thylakoïdes, les membranes photosynthétiques spécifiques, qui sont des sacs dans les sacs. c'est-à-dire des membranes à l'intérieur de ces sphères. Et là, on va avoir une spécialisation, ça va prendre une architecture très structurée pour être un vrai petit capteur solaire. Ça ressemble à une pile d'assiettes à la fin, ou ça ressemble à des membranes qui sont concentriques, et de manière à multiplier cette surface pour capter au maximum l'énergie du soleil. C'est que les thylakoïdes ont permis à l'intérieur de la cellule d'augmenter l'intensité de la photosynthèse et donc d'augmenter la quantité d'oxygène. Voilà. Donc, si par exemple on a une cellule et puis qu'elle doit avoir le double de surface pour pouvoir faire sa photosynthèse, donc capter deux fois plus de photons, eh bien cette cellule elle peut être deux fois plus grande. Bon, il y a une limite à cet exercice. En revanche, lorsque on a ces sacs dans les sacs dans les sacs, ces membranes qui s'emboîtent comme des poupées russes, eh bien, ça multiplie à chaque fois la surface de ce capteur solaire. Comme ce capteur solaire possède toutes les petites protéines dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont capables de capturer l'énergie solaire, eh bien, ça, c'est comme augmenter la surface d'un capteur solaire de façon folle. C'est comme si on augmentait d'un facteur 10 la superficie de panneaux solaires. Alors l'apparition des thylakoïdes, qui pourrait expliquer donc l'apparition de l'oxygène sur Terre en grande quantité, c'est donc ce fameux événement qui s'est produit il y a 2,4 milliards d'années qui s'appelle la grande oxygénation. Comment l'oxygène a-t-elle modifié la vie sur Terre ? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture avec Emmanuel Javot et Éric Maréchal, nous parlons de la photosynthèse et de son origine. Nous venons de voir que la photosynthèse oxygénique s'est faite grâce aux cyanobactéries, ces organismes extrêmement anciens. L'apparition de thylakoïdes, ces structures photosynthétiques au sein de cellules, ont permis d'augmenter l'intensité de la photosynthèse. Éric Maréchal, on l'a un peu évoqué il y a quelques instants, mais donc la Terre s'est formée autour de 4,6 milliards d'années. À l'origine, l'atmosphère terrestre est très principalement composé de CO2, comment ce gaz a-t-il ensuite diminué? Comment s'est façonné le climat terrestre? Alors, l'atmosphère au départ n'était pas essentiellement faite de CO2. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase où c'était des choses très peu denses, donc de l'hydrogène, de l'hélium. Ensuite, toutes ces choses-là ont été balayées à un moment donné qu'on pense liées à l'apparition du soleil et puis toute cette énergie qui a pu arriver comme un espèce de vent extrêmement brutal. Ensuite, il y a eu un tri en fonction de la densité des éléments. Et puis, à un moment de la vie de la planète, un peu de CO2, enfin une bonne partie de CO2 et puis de l'eau vaporisée. Ensuite, il y a eu toute une série d'événements. Alors, je ne suis pas géochimiste, hein. Je me réfère à mes collègues. Toute une série d'événements qui ont fait que de l'eau s'est condensée, on a des océans, un ensemble de réactions se sont produites. Et puis l'atmosphère, lorsque la vie est apparue sur notre planète sous forme de cette soupe, de ces marmites, elle était en effet riche en CO2, qui est notre matière molle du vivant, elle a besoin de carbone. Et puis aussi, il y avait de l'ammoniac, il y avait aussi, des sources d'azote, des sources de phosphore, des sources de soufre. Et avec tout un ensemble d'événements, de températures, de conditions, ces choses-là ont fluctué. Et la chose, c'est qu'il n'y avait pas d'oxygène. Donc, ce qui est intéressant à voir ici, et alors l'apparition de la succession de tous ces événements, c'est aussi accompagné, grâce aux vivants, d'une espèce de capture de ce CO2 qui a rejoint sous forme solide la surface de la Terre, sous forme de calcaire tout simplement. Emmanuel, j'avoue, justement, alors quand on voit les compteurs qui s'affolent et qu'on observe à la fois dans les océans et dans l'atmosphère des traces d'oxygène en grande quantité, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Mais en fait, l'oxygénation, moi je vois ça comme une diversification de niches écologiques. Donc on commence à avoir des niches écologiques où il y a un petit peu d'oxygène, de nouveaux habitats pour de nouvelles espèces, de nouvelles formes de vie qui apparaissent. C'est pas du tout une grande extinction, c'est plutôt une chance de diversifier, parce qu'avant cette oxygénation, il y avait déjà plein d'organismes qui vivaient de photosynthèse oxygénique ou pas. Il n'y a pas que la photosynthèse comme métabolisme de la vie. Il y a beaucoup d'organismes qui utilisent des échanges d'électrons au sein de minéraux, par exemple, de la chimiotrophie, qui n'ont pas besoin de lumière. Donc ces organismes-là, ils existent toujours, enfin leurs descendants, dans des niches où il n'y a pas d'oxygène. Par contre, l'oxygène commence à apparaître et ça permet l'origine et la diversification de vie eucaryote, donc d'un domaine de la vie dont nous faisons partie. Nous sommes des eucaryotes, nous sommes des animaux, mais nous ne sommes qu'une petite branche sur cet arbre des eucaryotes. Les eucaryotes, c'est principalement des organismes microscopiques, hein, comme toute la vie sur la Terre depuis l'origine de la vie d'ailleurs. Et donc parmi ces eucaryotes, il y a une myriade de micro-organismes unicellulaires et puis à un moment donné qui vont évoluer, qui vont développer des tissus, des organes et donner les plantes, les animaux, des organismes plus complexes. Et pour faire ça, pour cette évolution, on a besoin d'oxygène. Un petit peu, beaucoup, et puis il y a d'autres de ces organismes qui vont s'adapter secondairement à des niches sans oxygène. Donc l'oxygène, c'est quand même, l'oxygénation, c'est un événement très important dans l'évolution de planète et de la vie parce qu'il permet une diversification de formes de vie. Et je pense que sans cyanobactéries, nous ne serions pas là. Éric Maréchal, vous souhaitiez réagir? Oui, en effet, le vivant avant les cyanobactéries, il se débrouille. Enfin, c'est une chimie qui existe, c'est une chimie qui a les conditions pour se apparaître. Aujourd'hui, dans un monde oxydé ou oxygéné comme on l'a aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir les conditions qui étaient remplies à cette époque. Et cette chimie, cette vie, elle va utiliser des sources d'énergie. On peut avoir des sources en effet chimiques qui finalement sont assez qui présentent des formes de limites. La photosynthèse oxygénique, elle est allée puiser dans des ressources qui sont beaucoup plus abondantes. Alors, la ressource solaire, déjà, donc le jour, la ressource eau et la ressource gaz carbonique. Et ça, c'est peut-être un des points qui justifie du succès par rapport aux autres formes de vivant, parce que les cyanobactéries ont pu déjà se fabriquer elles-mêmes en utilisant ces ressources presque illimitées. Et les animaux, toute cette biodiversité qui est venue derrière, qui mange les végétaux, ont profité finalement de cet événement discret, humble, qui s'est produit une fois et qui finalement a donné un succès absolument fou au reste du vivant. Comme on parle justement de l'apparition des organismes eucaryotes, donc ces organismes qui possèdent des cellules avec un noyau, et qui sont donc à l'origine des animaux, des plantes, des champignons. Il y a des hypothèses également pour parler justement de l'apparition des organismes eucaryotes. Éric Maréchal, ils ont à leur tour acquis cette capacité d'effectuer de la photosynthèse oxygénique par un biais, celui d'une endosymbiose. Tout à fait. C'est drôle, alors, cette histoire-là aussi. Oui, c'est drôle. Alors, c'est intéressant de garder à l'esprit, de libérer son esprit de ce que c'est que le vivant. Nous avons évoqué les bactéries. Il y a un autre groupe qui s'appelle les archées. Ce sont deux solutions très différentes de vivant. C'est-à-dire que vraiment, on les appelle des domaines du vivant, mais ce sont vraiment deux solutions. On a toujours l'impression qu'il y a une vision un peu uniforme de la vie sur notre planète, mais en fait, voilà deux solutions. Ces deux solutions se sont conjuguées une première fois par un événement qui est très étudié actuellement et qui a permis de faire naître ce fameux troisième domaine du vivant qui sont les eucaryotes, qui est une forme hybride. Et ce troisième domaine a fleuri, s'est développé, s'est complexifié en utilisant presque le principe des poupées russes et en incluant des cellules puis des cellules. Donc une de ces cellules eucaryotes a mangé en quelque sorte une cyanobactérie et l'a conservée à l'intérieur d'elle-même. D'une même titre que tous les eucaryotes, il y a eu à la source une bactérie qui a été mangée et qui a été maintenue à l'intérieur. Elle s'appelle la mitochondrie. Donc il y a un mot un peu savant pour ça. Donc il va y avoir la cyanobactérie qui devient un chloroplaste, la bactérie qui devient une mitochondrie. Donc nos cellules à nous, c'est avec une mitochondrie. Les cellules de plantes, c'est avec une mitochondrie et un chloroplaste. C'est comme si c'était des cellules bactériennes à l'intérieur d'une autre. Et cet événement, l'apparition de ce qu'on appelle le chloroplaste, qui est issu d'une cyanobactérie, a conduit à l'oxygénation de l'océan. Donc, ce sont des événements... Alors, bon, c'est des choses où on a... il faut encore synchroniser, d'où l'importance des fossiles, hein, dans toutes ces choses-là. On a des événements, on a des traces dans les roches, on a des traces sous forme de fossiles, et on a des reconstitutions grâce à des informations moléculaires. Et ce mouvement de poupée russe s'est encore amplifié, puisqu'il y a presque 80% de la biodiversité des eucaryotes qui sont issus d'un événement d'endosymbiose, on appelle ça comme ça, d'une poupée russe supplémentaire. Et là, pour le coup, on est sur le front des connaissances, parce que c'est des organismes très abondants, mais très mal connus. Comme vous disiez tout à l'heure, Emmanuel Javot, cette grande oxygénation, ça n'a pas été une catastrophe. Mais comment la vie est d'abord apparue sans oxygène, comment s'adapter à un changement environnemental si soudain ? C'est pas si soudain. Oui, c'est vrai qu'on parle de temps très long. Ça ne s'est pas passé en une seconde. Nous, on dit il y a 2 milliards 400 millions d'années, mais on ne sait pas combien de temps ça a pris. C'était progressif parce que les cyanobactéries, elles sont apparues une fois, quelque part. Et puis, elles ont tellement eu du succès, hein, tellement efficaces dans toutes les raisons que je viens de dire, qu'elles se sont étendues sur la planète. Et maintenant, il y en a partout, soit sous forme de cyanobactéries, soit sous forme d'algues ou de plantes, mais elles colonisent vraiment tous les environnements. Sauf ceux qui sont vraiment très très loin de la lumière, parce qu'on trouve des cyanobactéries même dans les roches, qui vivent dans la roche et qui peuvent faire de la photosynthèse à travers certains minéraux ou à travers des petits tunnels dans la roche. Donc elles ont vraiment des stratégies pour utiliser le mieux possible la lumière. Et donc c'est un événement progressif. À 2,4 millions d'années, on a des signes géologiques qui indiquent que l'oxygénation touche toute la planète. Enfin, toute la planète où on a des roches de cet âge-là qui sont préservées. Donc ça veut dire que c'est apparu avant, c'est un âge minimum. Avant cela, les cyanobactéries ou leurs ancêtres qui ont inventé la photosynthèse oxygénique sont apparus quelque part dans une niche où il y avait de l'eau et il y avait de la lumière du soleil. Peut-être en eau douce, peut-être en eau marine, les avis divergent. De même que l'endosymbiose dont on vient de parler, la première fois qu'une algue s'est formée, parce qu'une cellule eucaryote a avalé une cyanobactérie qui est devenue ce compartiment qu'on appelle le chloroplaste, qui fait la photosynthèse oxygénique. Est-ce que ça s'est passé en eau douce ou en eau marine ? Il y a des articles récents qui suggèrent que c'est en eau douce. Dans le registre géologique, malheureusement, on a beaucoup plus de roches d'origine marine préservées que de roches continentales, surtout les très vieilles. Mais quand même, on arrive à trouver des belles choses et qui nous donnent des âges minimums pour l'apparition des cyanobactéries, des algues, etc. Alors, je voulais ajouter aussi un petit commentaire sur ce que Éric Maréchal vient de dire à propos de votre question à propos de l'importance de cette endosymbiose. Il y a une hypothèse proposée par un collègue, Jochen Brooks, qui dit que donc il a fallu que les algues apparaissent, le phytoplancton apparaisse, donc les algues eucaryotes dans le plancton marin, pour que des animaux se diversifient, des animaux qui mangeaient ce plancton et qui devaient manger des cellules plus grosses que des petites cyanobactéries. Et donc, elles ont aussi finalement un rôle comme ça, indirect, en servant de nourriture à des nouveaux types d'organismes, dont des animaux qui vont après grandir, sortir de l'océan. Voilà. Je reviens aussi également sur ma question, Éric Maréchal, hein, sur comment le vivant a évolué avec l'oxygène. Il y a ce phénomène aussi qui s'appelle la respiration. Oui, ces cyanobactéries, elles fabriquent de la matière organique, donc ça c'est un carburant. Les carburants, nous on en utilise pour mettre dans les voitures, hein, ou mettre dans la cheminée, enfin, le charbon, le pétrole, c'est de la matière organique qui s'est fossilisée. Bon, eh bien il n'y a aucune raison, la matière vivante quand elle arrive et quand nous mangeons du carburant. Et puis, on a besoin de craquer, de récupérer l'énergie de cette matière, en partie pour vivre, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir faire nos fonctions vitales de base, en plus de construire notre propre corps. Donc, on a besoin de récupérer un petit peu de cette énergie. Et pour ça, eh bien, il faut casser les molécules et casser la matière vivante. Eh bien, il faut un comburant. Et le comburant, c'est O2, c'est l'oxygène. Donc, non seulement ce déchet qui est O2, a changé la nature de l'atmosphère. Non seulement ça a créé un petit problème parce qu'il faut lutter en permanence contre l'oxydation, et donc il y a tout un pan de la biologie, tout un pan de notre temps de vie qui est passé à lutter contre l'oxydation, mais ça nous apporte aussi un comburant pour pouvoir de façon plus efficace exploiter cette matière. Et c'est ce que l'on appelle la respiration. Alors c'est un peu compliqué parce que nous on parle de nutrition quand on mange, quand on fait passer de la matière à l'intérieur de notre corps, dans la bouche, puis voilà. Et ensuite cette chose-là, elle est digérée. Quand elle arrive au niveau des cellules, elle est respirée. Et donc on casse ça jusqu'au bout, jusqu'à libérer du CO2 à nouveau. Et pour faire ça, comme on brûlerait une bûche, eh bien on met de l'oxygène. Alors dans quelques instants, on vous parle de la découverte des plus anciens thylakoïdes au sein de fossiles de cyanobactéries. Comment documenter l'évolution de ces fameuses cyanobactéries ? Restez avec nous, on répond à cette question dans quelques instants. Le bruit des plantes dans le béton, en direct sur France Culture, car nous parlons de photosynthèse tout au long de cette heure et en compagnie de nos deux invités. Emmanuelle Javot, biologiste, docteur en géologie, directrice du service Early Life au département de géologie de l'Université de Liège et l'autrice de l'étude parue récemment dans la revue Nature. Et avec Éric Maréchal, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire de physiologie cellulaire et végétale. Nous venons de voir que l'oxygène sur Terre a modifié durablement le vivant et son environnement. Nous venons de voir comment ces changements sont dus à une bactérie, les cyanobactéries, qui a développé une fois au cours de leur évolution la capacité à tirer profit de l'énergie solaire en relâchant en contrepartie de l'oxygène. Emmanuelle Javot, de quand date le plus ancien fossile de cyanobactéries ? Alors le plus ancien dont tout le monde est d'accord date de 2 milliards d'années environ. Donc il s'agit de cellules préservées en trois dimensions par de la silice dans une structure rocheuse qu'on appelle un stromatolite, construite par une communauté microbienne dont là des cyanobactéries. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont des cyanobactéries ? Parce qu'on se base uniquement sur la morphologie de ces fossiles, mais la façon dont ils se divisent et leur distribution dans la roche, on voit qu'ils poussaient vers la lumière du soleil, est très semblable à des analogues actuels. qui sont un type de cyanobactéries qu'on connaît actuellement. Donc ça, ce sont les plus vieilles cyanobactéries fossiles dont on est sûr. Ceci dit, elles étaient là avant, puisqu'on a ce fameux GOE, à 2,4 millions d'années, ou leurs ancêtres. Alors justement, sur les cyanobactéries, en première partie d'émission, on a bien fait le distinguo entre celles qui avaient justement des thylakoïdes et celles qui n'en avaient pas. La trace la plus ancienne de fossiles avec, elle datait de 550 millions d'années. Ça, c'était avant votre nouvelle découverte, Emmanuel Javot. Dans votre étude parue dans la revue Nature, le 3 janvier dernier, vous êtes intéressé justement à un fossile de cyanobactéries très ancien, daté de 1,75 milliard d'années. Je voudrais pas dire son nom, je pense que je vais l'écorcher, mais au départ, vous saviez pas trop ce que c'était, si c'était une cyanobactérie, une algue. Oui, ben justement, on ne savait pas ce que c'était. C'est un fossile qui est déjà connu, qui était déjà connu avant dans des assemblages d'un milliard d'années ou plus. Et donc celui qu'on a trouvé à 1,750 milliard d'années, c'est le plus vieux. Mais ça ressemble un peu à une petite saucisse aplatie, préservée dans de la boue, qui est devenue une roche. Et donc, c'est une forme tout à fait très simple qu'on peut connaître chez des bactéries, chez des eucaryotes unicellulaires ou des morceaux d'algues multicellulaires ou même d'autres multicellulaires. Donc, on ne savait pas ce que c'était. Il y avait beaucoup d'hypothèses dans la littérature. Et nous, on s'est dit, bah, peut-être que ce sont des cyanobactéries, de fait. Et en plus, il y a différents stades de vie dans les cyanobactéries. Nous, on s'est dit, bah, on va essayer d'utiliser de la microscopie à haute résolution pour essayer de voir si on n'a pas des structures préservées dans la paroi ou à l'intérieur des cellules fossiles et qui pourraient nous permettre d'identifier ces fossiles. Et donc, on a eu de la chance de trouver dans des spécimens d'un milliard d'années et des spécimens d'un milliard 750 millions d'années ces membranes internes préservées à l'intérieur de la cellule fossile. Alors comment mettre justement en évidence la présence de thylakoïdes, la présence de ces membranes, puisque c'est encore plus compliqué à mettre en évidence, puisque c'est une structure intracellulaire? En fait, on fait comme en biologie moderne, et c'est quelque chose qu'on fait déjà dans mon labo sur d'autres fossiles toujours très anciens, pour essayer de les identifier. On utilise aussi d'autres moyens, mais donc ça c'est un des moyens. Et donc ce qu'on fait, comme en biologie, on prélève... on étudie des assemblages fossiles. Dans ces assemblages, on sélectionne les fossiles d'intérêt, en l'occurrence ceux-ci, qu'on appelle Navifusa. Et donc, on les pêche sous microscope et on les met dans de la résine qu'on va couper en tranches ultra fines d'environ 60 nanomètres d'épaisseur, donc très très petit. Des tranches très très fines qui permettent de voir à travers avec un microscope électronique à transmission. Donc ce sont des techniques qu'on utilise en biologie moderne sur des tissus, sur des cellules vivantes, et que nous on utilise aussi sur des cellules fossiles. Alors c'est un défi parce qu'elles sont très très petites, mais en plus on en prend une à la fois pour être bien sûr de ce qu'on étudie et ce qu'on identifie. Et en plus elles sont aplaties en deux dimensions, hein, c'est vraiment très très fin. Donc il faut les mettre dans la bonne orientation pour les couper dans le sens qu'on veut, pour voir à l'intérieur, et voilà. Et on a vu ces membranes préservées et la façon dont elles sont arrangées, leur structure fine, leur épaisseur, tout ça permet de les identifier comme des thylakoïdes et du coup d'identifier nos fossiles comme des cyanobactéries. Et voilà comment on identifie justement ces structures photosynthétiques. Éric Maréchal, votre regard et une réaction justement sur l'importance de ce type d'études et de recherches sur l'origine de la photosynthèse? Eh bien, c'est fondamental pour des questions déjà qui nous intéressent tous au titre de la curiosité. On est tous des humains et on a tous envie de connaître le passé du vivant et le passé de notre planète. Alors, soit on écoute des fables sur la création, soit on a une approche de scientifique. Cette approche de scientifique consiste à interroger le passé. On fait pas ça depuis très longtemps, finalement, puisque ceux qui ont osé commencer à dire que les êtres évoluaient à partir d'ancêtres, eh bien, ça commence au 19e siècle avec Lamarck, qui a osé dire que les organismes se transformaient. Avant ça, il faut bien penser qu'avant ça, tout le monde pensait que le monde vivant était figé une bonne fois pour toutes, et que le monde qui s'offrait à nous des organismes vivants, des plantes et des animaux, avait émergé d'un coup. il faut attendre Lamarck, et puis ensuite Darwin, et puis ensuite nous en sommes les petits-enfants. Mais c'est devenu une telle évidence que même à l'école, chaque enfant maintenant est au courant qu'on a un arbre généalogique. Donc cette recherche sur le passé, on peut l'avoir à titre personnel quand on s'intéresse à notre propre généalogie, à nos propres origines, mais pousser vers l'origine de la vie, finalement comprendre comment cette immense aventure de la chimie, de la mécanique du vivant a pu aboutir à ce qu'on voit aujourd'hui, et puis peut-être anticiper un avenir si on a envie de spéculer. Bon, ben ça, c'est des choses fondamentales. Il faut le faire. Justement, on vous raconte comment l'étude de l'origine de la vie sur Terre peut nous permettre de trouver de la vie, peut-être, sur d'autres planètes. Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture avec Emmanuel Javot et Éric Maréchal, nous parlons de photosynthèse et de son origine. Nous venons de voir comment l'évolution de la photosynthèse est mieux documentée grâce à la découverte de nouveaux fossiles de cyanobactéries. Ce phénomène n'est pas un mécanisme propre aux végétaux, il existe des micro-organismes marins qui fonctionnent par ce processus. On en parle avec vous, Céline Lozen, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes allée à l'Institut de Systématique et Évolution Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle pour vous pencher sur le cas de ces espèces. Oui, on les appelle les espèces mixotrophes, c'est-à-dire qui adaptent leur régime selon l'environnement entre l'hétérotrophie comme nous ou bien l'autotrophie comme les plantes. Cette capacité adaptative qu'on observe essentiellement chez les protistes n'est pas encore bien comprise par les écologues. J'ai rencontré Lucie Bittner, professeure à Sorbonne Université, spécialiste des microalgues et du plancton, qui étudie ce phénomène avec son équipe par une approche mêlant évolution, écologie, génomique et bioinformatique. Alors la photosynthèse, c'est un trait, c'est-à-dire la capacité ou le potentiel en tout cas d'un organisme qui est extrêmement intéressant parce que, enfin déjà nous, ça va nous intéresser pour le résultat en tout cas du fruit de la photosynthèse qui va être donc cette libération d'oxygène et fixation de carbone. Mais au-delà de ça, c'est un trait et donc c'est une capacité qui s'est retrouvée plusieurs fois dans l'arbre du vivant et qui se retrouve plusieurs fois dans l'arbre du vivant. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça a été inventé, on va dire, d'une certaine manière, et ça a été sélectionné, c'est-à-dire qu'il y a des lignées. Alors, on connaît assez bien, hein, ça va être les cyanobactéries ou les ancêtres des cyanobactéries actuelles qui vont être les premières preuves de ce mécanisme, en fait, de photosynthèse sur la planète Terre. Et en fait, donc, à partir de ces cyanobactéries, ou primitives, on va dire, d'une certaine manière, même si j'aime pas trop le terme, mais qui, donc, parce que ça ressemble, en fait, aux cyanobactéries actuelles, mais en tout cas, ça faisait potentiellement le même mécanisme, ces cyanobactéries ont pu se mettre en association, et donc, on a ce qu'on appelle des phénomènes d'endosymbiose qui sont passés, donc, on avait des organismes qui sont mis en association avec les cyanobactéries, et ensuite, s'il va y avoir une association entre une cyanobactérie et ce qu'on appelait à l'époque un unicellulaire hétérotrophe, un protiste, c'est-à-dire que pour avoir son énergie, il va devoir manger les autres, on appelle ça un phagotrophe. S'ils se mettent en association l'un avec l'autre, ça va donner un organisme avec un noyau et qui est capable de faire de la photosynthèse. Et potentiellement, à l'époque, il pouvait aussi manger les autres. Il a pu perdre cette capacité à manger les autres. Et ensuite, ça nous fait plein d'histoires compliquées parce que dès qu'il va y avoir des associations dans le monde microbien, on peut trouver plein de combinaisons différentes. On peut faire de la photosynthèse de manière unique, c'est la seule manière d'avoir son énergie et d'obtenir son carbone et de créer sa matière carbonée. On peut manger les autres. Nous, typiquement, par exemple, nous sommes des phagotrophes. Phago-hétérotrophes, on dit même. Et il y a énormément de lignées, notamment dans les océans, qui sont dites mixotrophes. C'est-à-dire qu'au sein d'une même cellule, on est capable, selon les conditions environnementales, soit de manger les autres, soit de faire de la photosynthèse. Et ça, c'est un trait extrêmement répandu. Les données métagénomiques au niveau moléculaire. Tout à fait. En fait, c'est-à-dire que vous avez aussi une compétence en ingénierie, en analyse informatique. C'est ça. On se retrouve, voire triple compétence. C'est vrai, on se retrouve, finalement, on part avec... moi je suis partie avec un background et des études d'écologie et d'évolution, et je me suis tournée vers l'analyse de données, parce que les jeux de données ont évolué et sont de plus en plus gros. Par contre, il y a des personnes de mon laboratoire qui vont avoir un background différent. C'est-à-dire que moi, je vais engager des étudiants qui vont avoir plutôt un background de bioinformatique et de bioanalyse et je vais essayer de les intéresser à l'écologie et l'évolution. Et donc, comment ça se passe la recherche au quotidien ici? C'est que on va participer à des campagnes de terrain pour acquérir les données. Ensuite, les données, elles sont générées par contre par des centres de séquençage. Et donc nous, on est là sur le terrain et ensuite pour analyser les données devant les ordinateurs. Donc ici, il y aura que des ordinateurs, à peu près. Vous allez quand même sur le terrain alors, quelques fois par an. Quand on peut. Et donc juste pour vous présenter, donc une pièce de travail, ça va se constituer deux personnes devant des ordinateurs qui tournent, on va dire, à plein régime. Mais on utilise aussi beaucoup des clusters, en fait, des clusters de calcul pour délocaliser, en fait. Pour présenter un petit peu les profils, par exemple, il y a Gaspard qui a un profil d'écologiste et de modélisation des espèces. Ta thèse en une phrase ? Je suis en deuxième année de doctorat, ici à Atelier Bioinformatique, et je fais de la modélisation de distribution d'espèces appliquée à des traits trophiques chez les dinoflagellés, qui sont des protistes marins. Et donc il est venu, par contre, il s'intéresse, il s'est formé à la métagénomique et à la diversité des micro-organismes. Laurie, tu veux peut-être... Je m'appelle Laurie Bousquet, je suis en postdoc et je fais de la transcriptomique sur une espèce de micro-algue. Je travaille sur les cycles de vie de cette micro-algue. Alors, pour la suite des travaux, ça nous intéresse beaucoup de savoir si c'est intéressant écologiquement, évolutivement parlant, d'être finalement mixte, c'est-à-dire être capable de garder différents traits comme la photosynthèse et manger les autres, ou alors si c'est plus intéressant de se spécialiser. Et donc, l'étape d'après, ce sera d'essayer de voir par des modélisations quel sera le devenir de ces traits dans l'océan du futur. Est-ce qu'on peut raisonnablement déjà avoir une intuition alors, des extrapolations numériques ? Les extrapolations, en fait, les premières études, mais qui sont très généralistes, en fait, elles ont tendance à dire qu'on va être justement sur des organismes qui vont rester très généralistes, mais qu'on va baisser en biodiversité en général. Ça va s'homogénéiser dans les océans ? Alors, il y a différentes projections. Il va y avoir potentiellement une homogénéisation, mais à la fois, on sait que l'océan, quand on travaille avec des physiciens et des océanographes qui vont vraiment regarder, par contre, les colonnes d'eau, ils ont tendance à dire qu'il va y avoir beaucoup plus de structuration dans les colonnes d'eau, donc des populations qui vont être de moins en moins en contact les unes avec les autres. Des zones avec de moins en moins d'oxygène, par exemple. Donc là, par contre, il va y avoir dans certains endroits quand même une sélection et une spécialisation de certains traits à des organismes qui sont capables de vivre là où il y a moins d'oxygène, par exemple. Et quand on sait que ce qui se passe dans les océans a un impact et qui se propage à toutes les strates du réseau trophique, on peut se dire que les dérives qui vont nous toucher seront assez significantes. Alors quand on me demande souvent quel est l'avenir du plancton, par exemple, et des traits qui sont associés à des services écosystémiques, au final... Moi, le plancton, je me soucie pas pour lui. Lui, il va toujours survivre. Il y aura toujours des formes de vie planctoniques. Néanmoins, ce ne sera pas celle nécessairement qui nous serve du point de vue des services écosystémiques et de nos sociétés. Donc, en fait, encore une fois, étudier les océans, savoir quelle sera la projection de la biodiversité, et est-ce que les services seront assurés de la même manière, c'est surtout poser la question de notre survie. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Emmanuel Javot, on arrive à la fin de cette émission. On entendait déjà dans ce reportage que la photosynthèse s'est retrouvée plusieurs fois dans l'arbre du vivant. Ces questions d'origine de la vie et d'origine de la photosynthèse sont des questions que l'on peut rapprocher pour trouver des traces de vie ailleurs sur d'autres planètes. Et on peut parler justement de la récente découverte que la photosynthèse dans les infrarouges, c'est quelque chose de possible. Oui, tout à fait. C'est aussi quelque chose qu'on étudie. Donc, on étudie non seulement des fossiles, mais des cyanobactéries actuelles aussi. D'ailleurs, je voudrais dire que l'étude qu'on a faite ensemble, c'est vraiment un travail d'équipe. Et que la première auteure, c'est Karine Demoulin, qui est une doctorante dans mon équipe. Et puis, Yannick Clara, qui est postdoctorant, Alexandre Lambion, qui est technicien, et moi. Et on a vraiment mis tous les mains à la pâte pour cette étude. Et donc, on a tous des expertises différentes. Et donc, une des choses qui nous intéresse, c'est que on s'intéresse à la possibilité de vie ailleurs. Si elle existe, bien sûr. Et on se dit qu'ailleurs, si la vie existe, peut-être qu'elle a aussi développé un moyen d'utiliser l'énergie de son étoile. Donc là, on parle de système exoplanétaire. Et on connaît certains systèmes d'exoplanètes qui tournent autour d'étoiles, qui sont plus petites que le Soleil et qui émettent surtout dans l'infrarouge plutôt que dans le visible. Il y a notamment l'étoile TRAPPIST-1 qui a été découverte par des Liégeois, des Français, toute une communauté internationale, mais dont un Liégeois en premier auteur. Et donc, notre intérêt là, c'est de voir comment un tel type de vie ferait pour utiliser cette lumière infrarouge et quelles traces elle pourrait laisser dans l'atmosphère ou à la surface de ces planètes qu'on pourrait un jour détecter. Alors avec James Webb, on peut déjà détecter des exoplanètes et des atmosphères. Bientôt, on va étudier la composition de ces atmosphères et plus tard, avec des télescopes encore plus grands, on pourra peut-être imager la surface et voir la biofluorescence extraterrestre, qui sait. Alors, tout ça, c'est pas complètement fou, hein, parce qu'on sait justement que certaines cyanobactéries sont capables d'utiliser la lumière infrarouge avec des chlorophylles qu'on a découvertes il n'y a pas tellement longtemps. Et donc, on essaie de voir un peu comment ça se passe et quel genre d'adaptation il faut et qu'est-ce que ça peut laisser comme trace qu'on pourrait éventuellement détecter. Oui, c'est ça, c'est qu'une cyanobactérie, lorsqu'elle ne reçoit plus assez de lumière visible, par exemple si elle est à l'ombre, elle peut mettre en place une autre voie de photosynthèse dans l'infrarouge. Et quand on sait que 70% des étoiles de la Voie lactée sont des naines rouges, qui émettent un rayonnement peu énergétique dans le rouge et dans l'infrarouge, Éric Maréchal, ça veut dire qu'on a de plus en plus de planètes candidates pour héberger potentiellement ce type de cyanobactérie. Oui, tout à fait. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir l'esprit libre et garder à l'esprit que ce qui s'est passé sur la planète Terre, c'est une solution. Il y a eu plusieurs solutions à fabriquer du vivant, à fabriquer des cellules vivantes, avec véritablement une biochimie qui est à la fois des choses partagées, à la fois des choses très différentes. Je parlais des bactéries, les archées, et puis on parle du domaine du vivant des eucaryotes. Il faut avoir l'esprit suffisamment ouvert pour se dire que ce qui va se passer sur d'autres planètes ou une chimie organique qui va avoir comme ça des phénomènes de reproduction à toutes les échelles, hein, l'échelle moléculaire, l'échelle cellulaire, l'échelle de l'organisme, et puis ensuite qui va inventer la symétrie, enfin qui va s'appuyer sur la symétrie pour donner une unidirectionnalité dans son développement. Eh bien, ça peut exploiter les mêmes principes, mais avec des choses un peu, des variations. Donc ici, quand on parle des infrarouges, voilà, c'est parce que il faut considérer que l'astre qui va émettre de l'énergie et qui sera cette énergie exploitable, ça sera cette énergie-là qui pourra être utile. Éric Maréchal, on arrive à la toute fin de cette émission, mais tout de même, avant de se quitter, comment étudier le processus de photosynthèse, pour quelles applications possibles ? Alors voilà, donc on a parlé de la curiosité, et puis il y a un autre penchant humain, c'est de vouloir des applications, et donc c'est le rôle aussi des scientifiques de d'explorer des exploitations possibles. Alors il y a déjà les algues qui existent, donc il y a une grosse activité dans mon laboratoire, mais aussi dans d'autres, pour essayer de voir comment ces algues pourraient finalement fournir du carburant qui ne soit pas du carburant fossile. Mais il y a aussi des collègues chimistes qui vont essayer de s'inspirer de cette photosynthèse naturelle ou de ces photosynthèses naturelles, comme disait Emmanuel Javoux, pour faire de la photosynthèse artificielle qui pourrait avoir des applications. Et puis enfin, il y a les principes fondamentaux de la création des formes de vie. Eh bien, il y a actuellement des projets qui visent à explorer cela sous forme de cellules artificielles, avec la fabrication de quelque chose qui s'inspire, qui s'appuie des phénomènes qui se sont produits naturellement sur la planète, et voilà, et d'explorer qu'est-ce qui finalement a permis d'avoir au minimum une cellule vivante. Voilà, utiliser la photosynthèse pour capturer le CO2, produire des biocarburants. Merci infiniment à vous deux. Il est temps de rejoindre Alexandra Delbault qui nous parle d'un tout autre sujet. Aujourd'hui, avec la chronique Avec Science, la forêt vierge n'est plus si vierge. Un vaste réseau de cités a été révélé au grand jour en Amazonie. Et si cette découverte est exceptionnelle, c'est par l'étendue de ces cités perdues, mais aussi parce qu'elles participent à la remise en cause d'une idée préconçue par notre vision occidentale. Les peuples amazoniens n'auraient pas eu d'organisation complexe dans leur histoire. Sous-entendu, ils n'en auraient pas été capables. Préjugé raciste oblige, on a longtemps pensé que ces populations vivaient en petites tribus dans la forêt, comme des chasseurs-cueilleurs, et ça depuis toujours. Et ce n'est pas la seule conséquence de la colonisation par les Occidentaux, puisque la plus prégnante, c'est la quasi-disparition des populations autochtones. Lors du tout début de la colonisation des Amériques, il y a un peu plus de 500 ans, les maladies apportées par les colons ont conduit à la mort de près de 85% d'entre elles partout sur le continent, laissant donc peu de survivants pour perpétuer le récit historique des premiers habitants. En Amazonie, aucun édifice aussi imposant que ceux des Mayas ou des Incas n'ont été découverts tout simplement parce qu'il n'y a pas de gisement de pierre à proximité. Autre particularité de la région, la végétation la rend difficile d'accès. C'est pourquoi la vallée de Lupano, en Équateur, qui nous intéresse ici, est longtemps restée vierge de toute colonisation occidentale. Stéphane Rostin est directeur de recherche CNRS au laboratoire archéologie des Amériques. Dans le cas de la vallée de Lupano, elle a été colonisée très tardivement, puisque seulement au XXe siècle, et encore la seconde moitié du XXe siècle, voit un peu de densification des colons. Tout d'abord, ça a été des prêtres, et puis petit à petit, les colons sont installés pour exploiter la forêt. Et donc, dans les années 70, un prêtre remarque des structures, en parle à un de ses collègues qui s'empresse de faire des petites fouilles archéologiques, mais il n'avait pas la formation, donc il a fait ce qu'il pensait être bien, et qui, hélas, ne rend pas compte de cet habitat particulier, et qui surtout est difficile à utiliser, parce que les données sont peut-être pas compilées de façon très académique. Et donc, cette vallée qui avait été oubliée pendant 500 ans a de nouveau été un peu oubliée, jusqu'à ce que 10 ans après ce prêtre, je parte en Équateur pour organiser avec un archéologue équatorien un projet de fouille archéologique. Les premiers indices découverts par ce prêtre, puis par ce chercheur, sont des monticules, c'est-à-dire des plateformes en terre de forme pyramidale, avec le sommet aplati, maintenu par des bâtiments en bois à l'intérieur. Mais malgré la cartographie de leur position, il était difficile de se rendre compte de l'organisation et de la distribution de ces monticules à cause des reliefs de la vallée et de la végétation. Alors, dans cette nouvelle étude parue dans Science, il a fallu prendre un petit peu de hauteur grâce au LIDAR. Nous en avons déjà parlé ici, il y a quelques semaines, pour scanner la forêt de Blois. Cette fois, il s'agit de voir au travers de la dense forêt amazonienne. Et si les scientifiques imaginaient pouvoir identifier tout au plus une centaine de nouvelles plateformes, elles sont en réalité plus de 6000 à être apparues sous leurs yeux, ce qui met en évidence un immense réseau de cités connectées entre elles, le plus grand et le plus ancien jamais découvert en Amazonie. Ce qui est étonnant, c'est que ces routes sont parfaitement droites. Elles filent toutes droites, sur plusieurs kilomètres, voire des dizaines de kilomètres. Alors, on a deux particularités, ce système urbain très marqué, d'une part, et l'autre, c'est que les monticules qu'on connaît ailleurs en Amazonie sont parfois importants, mais ils n'ont pas cette structure urbaine, et surtout, ils sont plus récents, ils sont généralement datés entre 500 de notre ère et l'arrivée des Européens, alors que là, les sites sont datés de 2-3 000 ans. Ce qu'on a pu déterminer, c'est qu'il y avait des grandes implantations, qu'on a appelées des cités, qui ont plus de 40 monticules, plateformes au kilomètre carré et qui s'étendent sur plusieurs kilomètres carrés. Alors, il y en a 5. Et puis, on a autour de ça des plateformes qui sont un peu moins denses et qui sont une vingtaine qu'on a repérées. Mais il faut dire qu'on n'a qu'une image sur 600 kilomètres carrés, ce qui est déjà énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore la totalité du territoire occupée par les Upanos. Toute la vallée semble sculptée par les Upanos pour faire les plateformes, les chemins, mais aussi des champs drainés et des terrasses agricoles. Mais voit-on ici l'intégralité de ces cités perdues ou est-ce que certaines nous échappent encore? C'est la prochaine étape, étendre le LIDAR aux régions voisines, ce qui prendra encore plusieurs décennies avant de pouvoir mieux comprendre la structure de cette société complexe et sa culture. Merci Alexandra Delbo pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Alexandre Morales, Bruno Sansimi, Céline Lausanne, Eve Etienne. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Florent Bullon. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.